Chapitre 10 Le quadrille des homards. La tortue soupira profondément et mit une patte sur ses yeux. Puis elle sembla faire un effort pour chasser sa tristesse, regarda Alice et essaya de parler. Mais pendant plusieurs minutes, les sanglots lui coupèrent la parole. « On dirait qu'elle a un os dans le gosier !» fit le griffon avec un petit air de pitié, et il se mit en devoir de lui taper dans le dos. À la fin, la tortue recouvra l'usage de la parole, et tandis que de grosses larmes descendaient le long de ses joues, elle demanda « Vous n'avez sans doute pas beaucoup vécu au fond de la mer, mademoiselle ?»« Pas beaucoup, en effet, » répondit Alice en étouffant une bonne envie de rire. « Et vous n'avez jamais connu de homard ?» Alice allait avouer qu'elle en avait mangé une ou deux fois, quand les colères du rat lui revinrent à la mémoire, et elle se contenta de répondre « Non, jamais !» Et la tortue de continuer « De sorte que vous ne vous imaginez pas quelle chose délicieuse est un quadrille des homards !»« En effet, avoua Alice, quelle sorte de danse est-ce donc ?»« Je vais vous la décrire !» s'écria le griffon. « Vous formez une ligne le long de la mer. »« Deux lignes !» rectifia la tortue. « Une ligne de tortue et une ligne de homard. Et puis, quand on a débarrassé la route de toutes les encombrantes méduses, ce qui demande généralement quelque temps, dit le griffon, vous faites deux pas en avant, deux pas en arrière, poursuivit la tortue. « Chaque fois avec un homard, si vous êtes tortue, » dit le griffon. « Naturellement, » dit la tortue. « Puis, salut au cavalier, et on change de homard pour revenir à son rang, » continua le griffon. « Enfin, » reprit la tortue, « vous lancez les homards !» cria le griffon en faisant en l'air un bond terrible. « Aussi loin dans la mer que vous pouvez, » dit la tortue. « Et vous nagez après eux !» hurla le griffon qui semblait être devenu fou. « Vous plongez dans la mer en faisant le saut périlleux, » dit la tortue qui exécuta elle-même une cabriole. « Vous changez encore une fois de cavalier !» rugit le griffon. « Vous revenez sur le rivage, et voilà la première figure !» conclut la tortue. Et les deux bizarres créatures qui venaient de sauter comme des fous l'instant d'avant se rassirent tranquillement à côté d'Alice et se mirent à pleurer de nouveau. « Ce doit être une bien jolie danse, » hasarda Alice. « Aimeriez-vous la voir danser ?» demanda la tortue. « Oh oui, » dit Alice. « Eh bien, » dit la tortue en s'adressant au griffon. « Essayons la première figure. Vous ferez le homard. Mais qui va chanter ?»« Oh, chantez-vous !» dit le griffon. « Moi, j'ai oublié les paroles. » La tortue et le griffon se mirent donc à danser devant Alice, passant si près d'elle qu'ils lui marchaient souvent sur les pieds, agitant leurs pattes pour marquer les temps. La tortue, d'une voix languissante et désolée, chantait la chanson suivante. « Voulez-vous marcher un peu plus vite ?» disait un merlan à un limaçon. « Il y a un marsouin derrière moi et il me marche sur la queue. Voyez combien vite avancent les tortues et les homards. On nous attend sur la plage. Voulez-vous entrer en danse ? Voulez-vous ? Ne voulez-vous pas ? Voulez-vous ? Ne voulez-vous pas? Voulez-vous entrer en danse? Voulez-vous, ne voulez-vous pas? Voulez-vous, ne voulez-vous pas? Ne voulez-vous pas entrer en danse? Vous ne sauriez imaginer combien ce sera délicieux quand elles nous auront pris par la queue et jetés dans la mer avec les homards. Mais le limaçon répondit, trop loin, trop loin, et avec un regard de travers, il dit qu'il remerciait le merlan cordialement, mais qu'il ne voulait pas entrer en danse. Et il ne voulait pas, il ne pouvait pas, il ne voulait pas, il ne pouvait pas, il ne voulait pas entrer en danse. Il ne voulait pas, il ne pouvait pas, il ne voulait pas, il ne pouvait pas, il ne pouvait pas entrer en danse. Qu'importe que nous soyons lancés au loin, répliqua le merlan. Ne savez-vous pas qu'il y a un autre rivage de l'autre côté? Plus on s'éloigne de l'Angleterre, plus on se rapproche de la France. Aussi, ne tremblez pas tant, mon cher limaçon, et venez avec moi entrer en danse. Voulez-vous, ne voulez-vous pas? Voulez-vous, ne voulez-vous pas? Voulez-vous entrer en danse? Voulez-vous, ne voulez-vous pas? Voulez-vous, ne voulez-vous pas? Ne voulez-vous pas entrer en danse? Je vous remercie, dit Alice quand la tortue et le griffon s'arrêtèrent. Cette danse est bien amusante à voir, et j'aime beaucoup la chanson du merlan. Oh, les merlans, dit la tortue. Mais vous en avez certainement vu. Oui, dit Alice, j'en ai vu à dîner. Mais elle ravala bien vite le mot qu'elle allait prononcer et qui était dîner. À dîner, répéta la tortue. Je ne sais pas où se trouve cette ville. Enfin, si vous en avez vu, vous savez naturellement comment ils sont faits. Oui, dit Alice pensivement. Ils ont la queue dans la bouche et ils sont tout couverts de mie de pain. Vous faites erreur quant à la mie de pain, dit la tortue. La mer emporterait tout de suite cette mie de pain. Mais ils ont bien, en effet, la queue dans la bouche. Et la raison en est... Ici la tortue se mit à bâiller et ferma les yeux comme si elle allait s'endormir. Expliquez-lui ça et le reste, dit-elle au griffon. La raison est, continua celui-ci, que les merlans voulurent aller danser avec les homards. Alors ils sortirent de la mer. Alors on les rejeta dans la mer. Alors ils ne voulurent plus en sortir. Alors, pour qu'on ne puisse plus les attraper par la queue, ils mirent leur queue dans leur bouche. Voilà tout. Merci, dit Alice. C'est très intéressant. Je n'en ai jamais tant entendu sur les merlans. Je puis encore vous apprendre, dit le griffon. Au fond de la mer, ce sont les merlans qui fournissent le cirage pour cirer les souliers et les bottines. Et en quoi donc sont faits ces souliers et ces bottines? Demanda Alice. Mais en peau de sol et d'anguille, voyons, répliqua le griffon. La moindre petite crevette n'ignore pas cela. Si j'avais été merlan, dit Alice, dont les pensées ne pouvaient se détacher de la chanson. J'aurais dit au marsouin, allez-vous-en, nous n'avons pas besoin de vous derrière notre dos. Ah, dit la tortue, le marsouin était là par devoir. Aucun poisson sage ne consentirait à sortir sans marsouin. Pas possible, s'écria Alice au comble de la surprise. Oui, reprit la tortue. Et si jamais un poisson partant en voyage venait me dire « Oh, assez !» cria soudain le griffon. « Passons à autre chose. Voyons, mademoiselle, à vous maintenant de nous raconter vos aventures. » Je n'ai des aventures, répondit Alice, que depuis ce matin, car hier j'étais une autre personne. Oh, expliquez-nous cela, dit la tortue. Non, non, cria le griffon. Les faits d'abord, les explications ensuite. Ça prend toujours tellement de temps, les explications. Alice se mit en devoir de narrer ses aventures depuis l'instant où elle rencontra le lapin blanc pour la première fois. Le griffon et la tortue l'écoutaient silencieusement, en ouvrant de grands yeux et de grandes bouches. Quand la petite fille arriva à la chenille et à cette histoire qu'elle lui avait récitée tout de travers en mettant des mots pour d'autres, « Vous êtes vieux, père Guillaume », la tortue poussa un long soupir et dit « C'est très curieux, ça !»« Oui, c'est aussi curieux que possible !» appuya le griffon. « Alors, répéta la tortue, tous les mots vinrent de travers. Ah, cher griffon, je voudrais bien entendre cette demoiselle réciter quelque chose dans ces conditions-là. Vous qui avez de l'autorité sur elle, dites-lui donc de le faire. Levez-vous et récitez, c'est la voix au paresseux, commanda le griffon. « Mon Dieu !» pensa Alice, « comme tous ces gens-là savent donner des ordres et faire réciter des leçons, on se croirait vraiment à l'école. » Cependant, elle se leva et commença à réciter la fable demandée. Mais elle avait la tête si pleine du quadrille des homards qu'elle ne savait guère ce qu'elle disait et que les mots lui venaient d'une étrange façon. « Cela ne ressemble pas à ce que j'avais l'habitude de réciter quand j'étais enfant, » dit le griffon quand Alice eut fini. « Pour moi, » dit la tortue, « j'avoue que je n'ai jamais rien entendu de semblable. Cela n'a d'ailleurs aucune espèce de sens. » Alice ne répondit rien. La pauvre enfant avait pris sa tête dans ses mains et elle se demandait si le défaut de mémoire lui ferait toujours dire des bêtises incompréhensibles. « Si nous dansions une autre figure du quadrille, » proposa le griffon, « à moins que vous ne préfériez, mademoiselle, que la tortue vous chante une autre chanson. » « Oh oui, une chanson, si madame la tortue veut bien. » demanda Alice avec empressement. Alors le griffon dit familièrement à la tortue « En avant, ma vieille ! Chantez-lui la soupe à la tortue, voulez-vous ?» La tortue soupira profondément pour la 50e fois et d'une voix entrecoupée de nouveaux sanglots, elle commença. « Belle soupe, si chaude et si appétissante !» Tu attends dans la soupière à fleurs bleues le sort que te réserve notre gourmandise. Soupe du soir, belle soupe, soupe du soir, belle soupe, belle soupe, belle soupe, soupe du soir, belle, belle soupe. Belle soupe qui chantait tout à l'heure dans la marmite. Ô toi qui fais grandir les petits enfants, tu es ce qu'il y a de plus délicieux sur notre table. Belle soupe, belle soupe, soupe du soir, belle, belle soupe. Bis, bis, cria le griffon, quand une voix clama tout à coup derrière nos trois amis, les débats du procès vont commencer. La tortue, elle, avait déjà repris sa chanson, sans se soucier de cette déclaration inattendue. Mais le griffon la laissa chanter toute seule, et prenant Alice par la main, il l'entraîna en disant « Allons, qu'est-ce que c'est que ce procès ?» demanda Alice tout en courant derrière le griffon. Mais celui-ci se contenta de répéter « Allons, suivez-moi, en allongeant le pas. Et tandis que le griffon et Alice s'éloignaient, le vent leur apportait les échos de plus en plus faibles d'une voix qui chantait « Soupe du soir, belle, belle !»